Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gemozo 107FM. Et pour l'édition de ce soir, hein, on va avant toute chose, on va parler de la paix encore une fois. Ça, je pense que vous le savez, je l'ai annoncé hier soir et je l'ai répété sur la page Facebook comme je le fais tous les après-midi, 2h avant l'émission. Mais avant qu'on passe au... je vais y arriver, hein. Pierre-Olivier est arrivé, on va dire 30 secondes avant le lancement du générique, autant dire c'est rock'n'roll dans les locaux de la radio. Mais voilà, j'ai deux petites annonces à faire passer. Donc avant toute chose, un apéro citoyen fait à Macron, donc organisé par une association vosgienne qui s'appelle Contre Macron. Ce sera le vendredi 6 juillet à 18h à la place Pinault à Épinal. Et c'est toujours dans le cadre de la fête à Macron, hein. Vous pouvez vous retrouver le vendredi 6 juillet à partir de 18h à la place Pinault pour un apéro citoyen, social et solidaire. Ce sera plutôt un apéro de type auberge espagnole où chacun amène une collation. Il y aura des musiques, des pancartes, des décorations, tout ce qu'on veut pour faire de ce bon moment un moment festif. Le but est surtout de se réunir et de réunir les forces vives des alentours, mais aussi la cerise sur le gâteau, c'est de collecter des affaires scolaire et du matériel pédagogique pour l'association Ses Amis 88 qui œuvre pour le Burkina. Donc voilà, pour plus d'informations, il y a l'événement sur la page Facebook où il y a simplement un événement sur Facebook, un apéro citoyen -6 fête à Macron. Vous pourrez le trouver assez aisément. Voilà, ça c'est pour le premier événement. Et pour le deuxième, je sais plus où je l'ai mis, j'ai paumé ma feuille mais je le répéterai courant de la journée. C'est un concert privé de Joy et Debo Jyoti Sanyal, donc un concert de musique classique indienne, je crois à Saint-Dié-des-Vosges. Bon, je retrouverai le papier et je l'annoncerai plus tard, mais voilà, je me trouve en face de mon invité du jour, hein, vu qu'après tout c'est la troisième fois qu'on se retrouve depuis que je suis ici. Alors déjà bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors comment ça va? Ça va. Oui. T'es prêt à parler de la paix dans son ensemble pendant l'heure à venir? Ouais, il y a toujours des choses à dire sur la paix. Ah oui, j'en suis persuadée. En tout cas, on va commencer. Il me semble que t'avais dit qu'il y a quelqu'un de l'ARAC qui voulait venir. J'ai axé mes questions là-dessus. Hélas, il n'a pas pu être présent. Donc, l'émission de ce soir sera un peu faite à la One Again. Mais bon, pour ceux qui connaissent Lou... Vous vous inquiétez pas, hein, auditeur numéro un, bonjour. Mais avant toute chose, c'est vrai que tu m'avais dit aussi par téléphone que tu es secrétaire de l'ARAC. Alors j'imagine que tu pourras peut-être pas répondre à toutes mes questions, mais tu peux peut-être présenter l'ARAC aux auditeurs pour qu'ils soient un petit peu prêts quand quelqu'un d'autre sera présent. Depuis quelques semaines, je suis à la fois secrétaire du mouvement de la paix et secrétaire de l'ARAC dans les Vosges. Et qu'est-ce l'ARAC? Alors il me semble que c'est un acronyme qui veut dire Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. J'ai trouvé qu'elle existe depuis le mois de novembre 1917, donc elle a déjà un siècle d'existence. C'est une association, alors elle a un siège à Villejuif, donc elle doit être d'ampleur nationale. Elle a une antenne dans le coin? Le responsable dans le département des Vosges, c'est Michel Gruner. Et donc, j'en avais parlé, je lui avais demandé s'il pouvait venir. Et en fait, la date n'allait pas parce qu'il est en vacances en Corse. Ah ben, on lui passe un petit bonjour hein, en espérant qu'il passe de bonnes vacances, et c'est pas grave, hein, il viendra quand il pourra nous parler plus amplement de l'ARAC. Mais tu peux peut-être nous dire dans les grandes lignes ce qu'est cette association ou... Bien sûr. Oui. Oui, donc l'Association républicaine des anciens combattants, c'est une organisation pacifiste qui a pour but de défendre les intérêts matériels et moraux des anciens combattants, des personnes qui ont été appelées sous les drapeaux français et qui sont par ailleurs convaincues que la paix est la solution et pas la guerre. Oui. Et donc cette association existe depuis 1917. Elle a été créée par un écrivain qui s'appelle Henri Barbus. Et Henri Barbus, c'est un écrivain qui s'est rendu célèbre par son ouvrage qui s'appelle Le Feu. Cet ouvrage est aujourd'hui un classique de la littérature française. C'est un roman qui évoque la Première Guerre mondiale. Oui. Et dans ce roman, qui s'appelle Le Feu ou Journal d'une escouade, en fait, Henri Barbus raconte le quotidien des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Et dès l'apparition du livre, il a eu des problèmes avec les autorités, à la fois civiles et militaires, parce que raconter le quotidien des soldats rentre en contradiction avec la propagande de guerre. Et il a créé l'Association républicaine des anciens combattants pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Oui. Donc, un siècle, il y en a eu d'autres, mais c'est pas du fait de l'ARAC, hein, c'est du fait d'autres personnes. Et aujourd'hui, à l'ARAC, il y a essentiellement des anciens combattants et résistants de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y en a de moins en moins, parce qu'ils meurent les uns après les autres. Bien entendu. Et aussi des personnes qui ont été appelées sous les drapeaux pendant la guerre d'Algérie. À l'époque, on appelait ça les événements d'Algérie. Car le gouvernement français n'assumait pas qu'il faisait la guerre en Algérie. Et donc c'est essentiellement des anciens de cette campagne d'Algérie. Il peut aussi y avoir des personnes qui ont été engagées dans des opérations extérieures postérieures, par exemple comme la guerre du Golfe. Dans les Vosges, il n'y en a pas encore. Donc je lance un appel, hein, s'il y a des anciens combattants qui veulent rejoindre l'Association républicaine des anciens combattants, donc à la fois faire valoir leurs droits en tant qu'anciens combattants et se mobiliser pour la paix, ce qui n'est pas du tout contradictoire d'ailleurs, parce que les personnes qui sont à l'ARAC n'étaient pas engagées par idéologie, mais étaient engagées parce que c'était la conscription, qu'ils étaient obligés. Oui. Et donc, voilà, s'il y a des auditeurs de Radio Guémozo qui sont dans cette optique-là, qui ont été engagés dans des combats, dans des guerres menées par l'armée française et qui sont pour la paix, sont les bienvenus à l'ARAC. Soit dit en passant, donc toi tu es secrétaire de l'ARAC, si j'ai bien compris, de l'antenne des Vosges qui doit se trouver à Gérardmer, si je ne me trompe pas. Oui, on a beaucoup d'adhérents à Gérardmer. Oui, et soit dit en passant, enfin... T'es pas un ancien combattant, si je me trompe. Oui, en fait, c'est le problème de l'ARAC, parce que aujourd'hui, donc, les anciens combattants sont âgés et ils meurent. Donc, dans l'association, il y a aussi des personnes qui n'ont jamais mené de combat et qui sont profondément engagées pour la paix. Je pense être parmi ceux-là. Ou des personnes qui le font en l'honneur de leur... de leurs parents ou grands-parents qui ont été engagés dans ces combats et qui l'étaient cependant, qui étaient idéologiquement pacifistes. Voilà. Oui, donc voilà, il y a des gens de tous horizons qui viennent, et comme tu l'as dit, je ne sais pas si ça commence à devenir problématique qu'il y ait moins de combattants français qui viennent, d'une certaine manière, ça peut être positif parce qu'il y a moins de personnes qui ont connu la guerre. Ouais, c'est vrai. Après, bon, comme je le répète, hein, c'est pas parce que il n'y a pas de combats qui se produisent sur le territoire français qu'on n'est pas en guerre pour autant. Je sais pas si on l'est toujours, tiens. En ce moment, en guerre, hein, François Hollande l'a dit en 2015, la France est en guerre. Ah, on l'est toujours. Ah bah, Macron n'a pas dit le contraire. Hein. Non, t'as raison, ça n'a pas changé et on est là comme d'habitude pour faire le point sur ce qu'il en est de la paix. Comme je disais, hein, émission à la one again, on va se débrouiller comme on peut. Et d'ailleurs, dis-moi, on en vient peut-être à l'actualité, on va dire, la plus brûlante, c'est peut-être la situation israélo-palestinienne, tu as du nouveau ? Ben, tout à l'heure, j'ai rencontré les responsables de l'association France-Palestine Solidarité, Lorraine Sud. Et donc, il va y avoir des actions qu'on va mener en commun avec le Mouvement de la Paix, l'ARAC et l'association France-Palestine Solidarité. Voilà, sur cette question palestinienne, parce qu'effectivement, on se bat pour la paix en Palestine. Les Palestiniens aussi ont droit à la paix. Mon droit à la paix et au respect du droit international. Oui, bien entendu, au respect aussi de leur vie, de leur territoire et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a en ce moment, parce qu'on en avait beaucoup parlé, hein, les droits de la paix sont quand même beaucoup bafoués au nom des lobbies, me semble, au nom de l'argent, au nom des trafics, non pas trafics, au nom des, comment dire, juteux business d'armement. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis ? J'imagine que non. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu le salon Euro Satori. Ah oui, c'est vrai ! Le grand salon de vente d'armes qui avait lieu donc en région parisienne entre le 11 et le 15 juin. Donc à ce salon se retrouvaient donc les plus importants marchands d'armes du monde. Ouais. Et puis les acheteurs d'armes, au premier rang duquel l'Arabie Saoudite et les différents États du Golfe qui vendent du pétrole et achètent des armes. Et oui, c'est vrai que ça y est, cette espèce de salon de l'armement est passé. Tu sais pas beaucoup plus, tu sais pas s'il y a eu des manifestations ou si s'est passé quelque chose en particulier là-bas. Je crois que c'est très privé comme événement, non ? Ah bah tout le monde ne peut pas y aller. Hein. Ça c'est sûr. Il faut, y a que les initiés qui peuvent y rentrer et les personnes qui sont invitées. Et c'est assez difficile d'y aller. Par contre, il y a des manifestations à Paris de différentes organisations notamment l'initiative du Mouvement de la Paix. Parce qu'au Mouvement de la Paix, on défend une optique de désarmement. On considère que le fait qu'il y ait de plus en plus d'armes n'est pas un facteur de paix. Ça se comprend, bien entendu. Hein. Plus il y a d'armes qui sont fabriquées, plus il peut y avoir d'armes en circulation n'importe où. Et c'est vrai que ça semble évident qu'il n'y en ait plus du tout. D'ailleurs, à propos d'armes, il y avait des manifestations pour demander au gouvernement français d'aller... de signer, tu sais, le traité de oui, paix. Le traité d'interdiction des armes nucléaires. Exact. Mm. Je ne sais pas trop ce que ça donne en ce moment. Les manifestations, on est en train de les préparer. Il y en aura une qui aura lieu le 22 septembre. On espère pouvoir en faire une à Épinal. Là, on va avoir l'Assemblée Générale du Mouvement de la Paix samedi, donc on va en discuter samedi. Et puis, il y a une autre action qui est prévue le 14 octobre. Dans différents lieux partout en France qui a pour but d'alerter l'opinion publique sur le nucléaire militaire. Sachant que là, le Mouvement de la Paix ainsi que le quotidien La Croix, le quotidien catholique, ont commandé un sondage à l'IFOP. Ouais. Et les résultats devrait bientôt être disponible. Je vous les donnerai peut-être la prochaine fois. On a hâte. Oui, mais on en saura plus dans quelques jours. Ce sur quoi on a mis un éclairage particulier lors de notre dernier bulletin Vosges pour la paix, dont on a intitulé l'édito L'urgence pour la paix. 2018, l'urgence de la paix, c'est les chiffres astronomiques des budgets militaires à travers le monde. Ils ont atteint cette année, dans l'année dernière, en 2017, plus de 1739 milliards de dollars. Wow, c'est énorme. Et je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Je ne pense pas que j'en ai parlé la dernière fois. Eh bien, vas-y, dis. Donc, le plus gros budget militaire du monde, c'est le budget américain avec 610 milliards de dollars. Donc, c'est un tiers du budget militaire mondial. Et pour 2018, ça devrait passer à 686 milliards, soit 76 milliards de plus. Alors, 76 milliards, c'est à peu près le double du budget de l'éducation nationale en France. Ah oui, donc c'est quand même énorme. On avait déjà parlé de la proportion, par contre, budget pour budget de la défense versus budget de l'éducation nationale. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé des autres pays. Oui. Ben, la dernière fois, on avait évoqué le fait que le budget militaire de la défense en France allait dépasser le budget de l'éducation nationale et qu'il allait devenir le premier poste budgétaire du gouvernement. Mais en fait, c'est une tendance qui, ça c'est en France, mais c'est une tendance qui a lieu dans les différents pays du monde. Et dans différents pays du monde, c'est en augmentation très forte. Alors moi, ce qui m'inquiète beaucoup, donc, c'est bien sûr les Américains avec leurs 610 milliards de dollars. Les Russes sont à 66 milliards, hein. Ce qui est déjà beaucoup, mais c'est 10 fois moins. Oui. Donc... je veux pas dire que les Américains sont 10 fois plus dangereux que les Russes, mais bref, on peut se poser des questions. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est l'Arabie Saoudite. 69 milliards de dollars sur budget militaire en 2017. Ah oui, c'est énorme. Oui, non, mais l'Arabie Saoudite, c'est une question très très dangereuse et qui est très très inquiétante parce que, derrière la question du nucléaire iranien. Pourquoi les Américains s'acharnent sur l'Iran et surtout pourquoi les Américains veulent retourner leur veste et ne plus respecter l'accord qui a été signé entre les Iraniens, différentes puissances et les Américains. Accord qui est respecté d'ailleurs par les Iraniens. Les Iraniens ont, et il y a des contrôles qui le prouvent, abandonné leur projet de nucléaire militaire. En fait, la véritable question, c'est l'armement nucléaire de l'Arabie Saoudite. Ouais. Les Saoudiens sont en train de développer en secret, plus ou moins en secret, on peut dire, leur armement nucléaire. Alors, sachant que l'Arabie Saoudite, c'est donc une monarchie islamiste qui, depuis des décennies, diffuse une vision complètement fanatique d'une religion. Et donc ils le font à travers le monde, hein, parce qu'ils distribuent des ouvrages religieux qui dénaturent complètement l'islam dans différents pays du monde. Et donc les Saoudiens veulent se doter de l'arme nucléaire. Donc si les Américains font à tel point avec les Iraniens, c'est pour quelque part masquer les projets saoudiens. D'accord, mais comment ça? Parce que les États-Unis sont pour ou contre que l'Arabie Saoudite ou l'Iran ait l'arme nucléaire? Alors les Iraniens, c'est leur ennemi, on va dire, depuis 30 ans, vu que les Iraniens ont chassé les intérêts américains en 1979, ouais. lors de la création de la République islamique. Et donc les Iraniens sont très très hostiles aux Américains, alors que les Saoudiens, c'est leur allié historique. Dans quelle mesure? Donc les Saoudiens leur vendent du pétrole. Oui, déjà. Et idéologiquement, en fait, ils sont très très proches. Parce que dans l'alliance qui a été constituée pendant la guerre froide, une alliance anticommuniste pour combattre l'Union soviétique, les Saoudiens étaient totalement dans la ligne, quoi. Oui. Voilà, parce que on va dire que le système social en Arabie Saoudite, on connaît pas l'Arabie Saoudite pour une sécurité sociale de haut niveau, par exemple. Voilà, c'est non. Pas des gens qui sont très partageux, les dirigeants saoudiens. Non, en effet. Par contre, nous, on est plutôt généreux, on est plutôt partageux, comme tu dis, et on va se partager une première parenthèse sonore du morceau, du groupe, pardon, groupe Yorum, un morceau intitulé Sives Gun Tutusur, en espérant que je le prononce bien. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Ellerim kan içinde, nehirler taşmış yanaklarımda. 37 can, 37 gül çatlamış susuzluktan Sivas'ın içinde. Nasıl uyku tutar gözlerimi? Döne döne semaha duranlar tutuştu önce. Sonra türküler, sonra da şiir çığlıksız düştü türkülerin yanı başına. Sivas, Sivas! Yiğitlik midir emanet cana kıymak? Yiğitlik midir bir tutam ışığı kör bıçakla güneşten koparıp karanlığa kurban etmek? Söyle, hangi kitapta vardır elleri kolları bağlı yakmak? Var mıdır kardelen akında bir avuç inciyi ateşte tutmak? Lo! Böyle garip düştüğüme bakma, böyle mahzun durduğuma. Varsın ateşin suskunlukla beslensin. Benim de yüreğim gençliğini almış yanına yürür başı dik. Senin de dağların var Sivas, senin de dağların, dağlarında şahanların. Tutur Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. À l'instant, vous venez d'écouter le morceau Sivasgün Tüttürzük, en espérant que je le prononce bien pour nos amis turcs, un morceau du groupe Yorum. Et comme on a parlé justement de Turquie, on va en parler, enfin comme c'est un morceau d'un groupe turc, on va parler de la Turquie dans quelques instants. Mais pour les auditeurs qui ont envie de réagir, n'hésitez pas comme d'habitude à envoyer un message sur la page Facebook Radio Gemozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. Vous inquiétez pas, je suis très réactive. Et puis j'ai Pierre-Olivier qui sera là pour relancer la discussion s'il faut que je vous réponde en live. Enfin voilà, parce que je suis toujours avec Pierre-Olivier Poyard pour le Mouvement de la Paix. Alors comme je disais, hein, on a passé un morceau turc et tu as dit la situation de la Turquie est un petit peu préoccupante. Surtout si, il me semble, si je ne me trompe pas, avec la réélection d'Erdogan, c'est ça ? Oui, alors Erdogan, là, il est passé dans un nouveau système politique, un système politique présidentiel, où c'est le fruit de la réforme constitutionnelle qui a été mise en place l'année dernière. Il y a eu un référendum sur le sujet. Et donc là, on rentre dedans, les deux pieds dedans. Et donc le poste de Premier ministre a été supprimé. Et c'est Erdogan lui-même qui va nommer les ministres et avoir un grand pouvoir au niveau législatif. Je crois qu'il va y avoir un renforcement de ses pouvoirs aussi au niveau judiciaire. Ouais. Et voilà, ça commence à faire beaucoup. On est vraiment dans un système de plus en plus autoritaire, comme dans d'autres pays du monde. Alors, ce qui est intéressant dans ces élections, c'est que donc c'était des élections à la fois présidentielles et législatives, sachant, comme on peut le comprendre, que le Parlement turc a de moins en moins de pouvoir. Et donc, il y avait différents candidats pour l'élection présidentielle. Il y avait Erdogan, qui était soutenu par le parti d'extrême droite, le MHP, qui compte en son sein d'anciens assassins, qui assassinaient les militants progressistes en lien avec une partie de ce qu'on appelle l'État profond. Oui. C'est-à-dire des militaires et des services secrets turcs. Ce qu'on appelle les loups gris, une organisation d'extrême droite très dangereuse. Donc il était soutenu par ces gens-là. Et puis en face de lui, il y avait un autre candidat d'extrême droite qui était un dissident du MHP. Et donc Erdogan est arrivé avec une majorité absolue à la présidentielle. En face de lui, il y avait un candidat kémaliste, donc des nationalistes modérés. Ces kémalistes, ils ont fait à peu près un tiers des voix. Et puis le dernier candidat, c'était le candidat du HDP, le parti progressiste qui rassemble à la fois des Kurdes et des Turcs. Et alors lui, c'était assez particulier parce qu'il a fait campagne depuis sa prison. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est surprenant. C'est Salatin Dermitas. Et lui, il est en prison, je crois, pour 120 ans. Mais s'il devient président, il a l'immunité diplomatique, il peut sortir, c'est ça ou pas? Oui, mais tout, le système est fait pour qu'il ne devienne pas président. Je te rassure à ce sujet-là. Voilà. Donc il a été condamné à la prison pour 120 ans. C'était le parti HDP, un des deux partis principaux de l'opposition parlementaire, on va dire le plus militant. Et donc Salatin Dermitas, donc il a fait campagne depuis sa prison. Donc pendant que les autres faisaient des meetings, lui il faisait des communications téléphoniques. Ouais. Et donc, il était accusé de trahison envers l'État, parce que c'est un opposant politique, hein, c'est comme ça que ça passe en Turquie, et d'être un terroriste, bien entendu. Ouais. Alors que le HDP n'est pas du tout lié avec le PYD en Syrie ou le PKK, ça c'est totalement faux. C'est une organisation non violente et totalement, insérée dans la vie démocratique de la Turquie, oui, façon de parler, dans la vie parlementaire. Mais ce responsable du parti HDP, c'est pas le seul à être en prison. Il y a à peu près 5000 autres responsables politiques du HDP qui sont en prison en Turquie. Ah ouais? Oui. Et en parlant de ça, hein, j'y reviens parce que Mika a fait la remarque. D'ailleurs, Mika, vu que tu nous écoutes, on te fait un coucou. Dans le groupe Yorum, il y en a aussi plusieurs qui sont en prison, c'est ça? Oui, donc là, une nouvelle par rapport au groupe Yorum, c'est qu'on va avoir deux membres qui ont demandé à être des réfugiés politiques en France. Ils vont faire une tournée à travers la France. Ah, c'est fantastique, ça. Oui, on essaiera de les faire venir à Radio Gemozo, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Donc, voilà, ils vont réaliser différentes actions, des conférences, et puis ils vont tourner un film. D'accord. Et d'ailleurs, eux aussi, comme les membres du MHDP... Non. Le MHP, c'est le parti d'extrême droite. Le HDP. Le HDP. Donc, eux, comme d'autres, sont considérés comme des opposants politiques, c'est ça? Enfin, comme le groupe Yorum. Oui, bah oui, voilà. Chanté et punissable de prison en Turquie. D'après ce que j'ai compris, ce qui est fort dommage, hein, ça reste un art comme un autre. Ah, c'est vrai que j'aimerais bien parler de la place de l'art en Turquie, mais je ne sais pas si tu es assez bien documenté pour en parler. Non, je crois qu'il faudrait faire venir un spécialiste. Ah, eh bien, je me le note. Pourquoi pas, une fois, on pourrait parler de la place de l'art dans différents pays, vu que l'art, pour les auditeurs qui me connaissent un petit peu, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour concernant la Turquie? Oui. Selon différents observateurs étrangers, et notamment européens, les élections ne sont pas passées dans un cadre démocratique correct. Hein. Il y a eu des bourrages d'urnes, sachant qu'il y a même eu une mission dont faisait partie des membres de l'association France-Kurdistan, comme par exemple Pascal Thor. Et puis une sénatrice qui faisait partie de la délégation. Et ils sont allés pour observer les élections, comment se passaient les élections. En fait, ils ont été mis en prison le jour des élections. Ah d'accord. Depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Et après, ils ont été libérés. Après, ils ont été libérés, oui. Mais quel drôle de hasard. Oui. Oui, ça en devient presque ridicule. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Dans cette Turquie, moi je me souviens quand j'ai fait mon voyage en Tunisie, il y avait des gens qui me disaient « Ah, quel modèle de démocratie la Turquie !» Je trouve que rétrospectivement c'est vraiment c'est comique quoi. Et donc ils m'expliquaient que suite à la chute de Ben Ali, ils voulaient mettre en place le même type de régime politique. Ouais. Et donc heureusement c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Oui, c'est les choses hein, continuent malheureusement, comme on l'a compris, les dictatures continuent de prospérer. Erdogan, il est en train de faire une sorte de dictature, c'est bien ça. Alors, il y a un mot valise qui a été inventé, c'est ce qu'on appelle la démocrature. Donc, c'est un régime très très autoritaire et répressif. Voilà, je rappelle que l'armée turque est présente en Syrie en violation du droit international. Et autoritaire, répressif et militariste. Et donc, voilà, c'est donc un régime qui est validé par des élections régulières. Hein. Donc, il y a une apparence démocratique, mais en fait, le fond, c'est une forme de dictature. Donc, on dit démocrature. Voilà. Oui, après tout, c'est un nouveau mot. Ça me fait beaucoup penser à 1984 de George Orwell, mais c'est juste parce que c'est une espèce de novlangue quoi, qui après tout colle à la réalité. S'il y avait moins de dictature ou moins de démocrature, le monde serait plus beau. Et d'ailleurs, c'est le titre de la pause musicale suivante, What a Wonderful World. Et tu sais de qui ? Oh, j'ai un trou. Ah, c'est Louis Armstrong, donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM. Vous avez à l'instant écouté What a Wonderful World de Louis Armstrong. Non, Mika, j'aurais pas pu passer la version de Joey Ramone. C'est celle-là que je voulais passer et aucune autre. Et comme tu l'avais dit avant la pause musicale, hein, toute forme d'art et résistance, comme on en revient à l'art dans les pays totalitaires ou dans les pays en démocrature, vu que c'est toujours le sujet de l'émission de ce soir, hein, le mouvement de la paix avec Pierre-Olivier Poyard. Et pour tout auditeur qui a envie de réagir à l'émission, n'hésitez pas sans aucun problème sur la page Facebook Radio Gémozo, au téléphone pardon, 03 29 62 40 40. Et pour ceux qui ont mon numéro, bon, ça sert à rien de m'appeler, hein, mais je suis quand même très réactive. Bah, Mika, tu le vois bien. Voilà, je vous invite encore une fois à réagir à l'émission. Hein. On le croirait pas, mais j'ai plusieurs bras. mais j'ai aussi, j'ai plusieurs oreilles et on est là toujours pour parler du mouvement de la paix. On a encore beaucoup de choses à se dire pour les 20 minutes qui nous restent environ. Pierre-Olivier, t'es toujours là, ça va aller? Il fait pas trop chaud là? Non, ça va. Il commence à faire chaud dans les locaux de la radio, vivement qu'on ouvre les fenêtres. Voilà, on a parlé juste avant la pause musicale de la situation de la Turquie. Justement, en fait, voilà, j'aimerais juste, en lien avec ce qu'on a dit avant, vous parler de Erdogan Kakir. Est-ce qu'on en a parlé la dernière fois? Je ne sais plus. Non. Eh bien, Erdogan... Attends, si, vite fait. C'est un expatrié ou quelqu'un qui risque d'être extradé? Ouais, bah en fait, j'ai une bonne nouvelle par rapport à ce réfugié politique. Il a été libéré. Oh. Il a été libéré le 14 juin, le jeudi 14 juin. Hein, donc, on a reçu une photo et on le voyait libre. Il a été libéré grâce à la mobilisation de tous ses amis démocrates en France qui ont envoyé des dizaines, des centaines de fax au tribunal et à la prison pour demander sa libération. Et par rapport à tous les gens qui les ont soutenus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est comme ça qu'il a été libéré. Bah, je suis très très contente pour lui. Oui, je suis vraiment très contente parce qu'il risquait dans le pire des cas d'être renvoyé dans son pays, d'être mis à mort, c'est ça? Il risquait d'être envoyé en Turquie. Et en Turquie, les opposants politiques sont très très malmenés. Donc oui, c'était un risque pour sa vie, effectivement. Donc, en effet, c'est une bonne nouvelle. Un parmi tant d'autres, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes qui risquent l'extradition et pour lesquelles le mouvement de la paix se bat. Là, j'en ai pas, mais par contre, on pense aussi à une autre personne qui est actuellement en prison. Donc, c'est un franco-palestinien qui est actuellement en prison en Israël. C'est Salah Hamouri. Oui. Donc, Salah Hamouri, qu'on a soutenu pendant plusieurs années parce qu'il était en prison déjà en Israël. Donc, comme il refuse le sort qui est fait aux prisonniers palestiniens, donc il les défend, il est avocat. Et donc il est retourné, il faisait des allers-retours entre l'Israël et la Palestine sur l'aéroport, et forcément un aéroport israélien, comme il n'y a pas d'aéroport dans les territoires occupés, comme ont été les deux détruits. Donc on passe nécessairement en Israël quand on va en Palestine. Et donc il a été mis en prison par les Israéliens. C'est une forme de détention administrative. Et donc, une détention qui a été prolongée pour 3 mois récemment. Donc, il a déjà fait plusieurs mois de prison. Et bien là, il va en faire 3 mois de plus. On se mobilise beaucoup pour sa libération avec l'association France-Palestine Solidarité aussi. Voilà, en fait, il est en prison. Sans procès, sans acte d'accusation même, c'est une détention administrative. D'accord. Donc il est placé en détention, c'est tout. Tout voilà. Simplement. Ça c'est les pratiques qui ont cours en Israël. Voilà. En effet, et vu qu'on en revient un petit peu, Israël est en guerre, enfin on va pas trop revenir sur le conflit israélo-palestinien. Oui. Je vais y arriver. Où est-ce que j'en étais ? Si, toujours un petit peu sur la guerre, vu que ça rejoint la pause musicale suivante, on en reparlera juste après. Mais c'est vrai qu'en début d'émission, on avait parlé de l'Irak, et pendant les pauses musicales, tu m'as dit que tu étais habilité à répondre à un petit peu plus de questions que j'avais préparées. Donc on peut peut-être revenir là-dessus. Pour reparler un petit peu de ça. Alors c'est vrai qu'on a parlé on a parlé des différentes valeurs de l'Arak, qui est, je le rappelle, une association républicaine des anciens combattants victimes de guerre, créée en novembre 1917, donc pendant en plein Première Guerre mondiale. Oui. Il faut s'imaginer qu'on était en guerre avec une grande partie de la population qui était engagée dans l'armée, la population masculine, donc avec une propagande de guerre très forte. Et à ce moment-là, en 1917, donc Henri Barbus et d'autres intellectuels qui avaient été mis sous les drapeaux créent cette association. Voilà. Il fallait un courage énorme. J'imagine, en effet, surtout dans un temps de guerre et dans un temps où j'imagine que les armées représentaient tout. C'était, je crois, même une des distinctions les plus hautes. Hein. C'était bien vu d'être à l'armée. Et les choses ont évolué. Alors, j'ai trouvé que le siège social de l'association se trouve à Villejuif. Il y a plusieurs antennes, dont une à Gérardmer, si j'ai bien compris, là où il y a le plus d'adhérents. Ouais. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est une association, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, d'ampleur au moins nationale. Elle est en partenariat avec, j'imagine, différentes associations, au moins avec le Mouvement de la Paix. Ça fait combien de temps que l'ARAC et le Mouvement de la Paix sont en partenariat, on va dire ? Oh, ça fait des décennies, quoi. Ah oui. En fait, il y a tout un réseau d'associations pacifistes en France. Si je peux en citer d'autres, il y a l'association nationale, par exemple, des cheminots résistants. Ouais. C'est une association importante. Bon, il y a de moins en moins de résistants parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge et donc par la mort. Mais pendant la résistance, en termes d'effectifs, les cheminots, c'était la moitié des résistants. Ah oui. Oui. Donc, sur 200 000 résistants, il y avait à peu près 100 000 cheminots. Ah ben dis donc, c'est pas négligeable. Ah, c'est énorme. Oui, oui, les cheminots ont beaucoup donné pour la résistance et la libération de la France. Et donc, voilà, il y a cette association. Il y a d'autres associations. Il y a une association qui s'appelle l'Appel des Sangs pour la Paix. Il y en a d'autres. Il y a une autre association qui s'appelle l'Union Pacifiste. Il y a l'Union des résistants à la guerre. Voilà, il y a différentes associations. Il y a une association très importante, ah oui, l'Union internationale des juristes démocrates. Ouais. Donc c'est une association qui est présente dans différents pays du monde. Une des personnes très actives de cette association, malgré son âge important, et je crois qu'il a plus de 90 ans, c'est un avocat que j'admire beaucoup, quelqu'un que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Roland Veil. Il fait partie de la famille de Simone Veil ? Non, ça ne s'écrit pas, ça s'écrit pas la même chose du tout. D'accord. W-E-Y-L. D'accord, alors en effet, non, ça n'a rien à voir. Donc Roland Veil, c'est un avocat qui défendait notamment les patriotes algériens pendant la guerre d'Algérie et toutes les victimes du colonialisme français dans les différentes colonies. Quelqu'un qui a défendu différentes victimes dans les conflits sociaux aussi, victimes ou accusées, ouais. En fait. Oui. En fait, ce juriste a écrit différents ouvrages sur le droit international. Moi, j'ai beaucoup appris à la lecture de ses livres. Il y en a un qui s'appelle par exemple « Sortir le droit international du placard ». Et c'est quelque chose qu'on entend très peu, parce que ce qu'on entend souvent dans les médias, c'est les éditorialistes, et les éditorialistes ne donnent aucune valeur souvent au droit international. Le droit international, c'est une somme de traités qui ont été signés par différents États ou parfois par tous les États au cours du XXe siècle. Et c'est normalement quelque chose qui s'applique quand les États les ont signés, qui s'applique aux États. Par exemple, la Cour pénale internationale, c'est un traité international, oui, dans le cadre de l'ONU. Ouais. Que les Américains n'ont pas signé. Ah bon ? Non. Ah tiens, bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle. Non, parce que c'est les premiers à faire la leçon au monde entier, mais eux, ce ne sont pas dans ce cadre de la Cour pénale internationale. Et ça a un lien aussi avec le Tribunal pénal international ? Oui, ouais, c'est ça. C'est la même chose. D'accord. Voilà, il y a différents traités internationaux. Et le droit international, c'est quelque chose de très important pour nous les pacifistes, parce que ce sont des règles qui visent à transformer les relations entre les États de relations guerrières, militaristes, à des relations pacifistes. Oui, parce qu'après tout, c'est important d'être pacifiste, hein, et... L'Arak, il y a des anciens combattants, des anciens, ouais, soldats qui sont devenus pacifistes. Alors on va se passer peut-être la dernière pause musicale. Je ne sais pas si tu vois trop où je veux en venir. On va laisser la parole à un soldat, entre guillemets. C'est un morceau de Muse intitulé Soldier's Poem, donc le poème du soldat. On s'écoute cette dernière pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. There's no one Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter la troisième et dernière pause musicale de cette édition de L'Heure des Loups. Toujours à parler de paix avec un morceau intitulé Soldier's Poem de Muse. Et si vous voulez réagir sans aucun problème, par téléphone au 03 29 62 40 40 ou sinon sur notre page Facebook Radio Gémozo. Je suis toujours encore une fois très flexible, même si ça se voit pas, j'ai plusieurs bras. Du moins à la radio, je m'appelle Vishnu. Et on est toujours avec Pierre-Olivier Poyard du Mouvement de la Paix. Donc on a parlé de plein de choses et je vois que l'heure tourne, donc on va commencer à faire le résumé comme on a l'habitude de le faire pour la dernière partie de l'émission. Donc s'il y a quelque chose qui vient très vite, tiens, tant qu'à faire, on refait les petites annonces une dernière fois. On va venir à toi tout de suite, je rappelle encore une fois les annonces, les événements que j'ai annoncés ce matin, en début d'émission. Donc l'apéro citoyen fête à Macron le 6 juillet à Épinal à la place Pinault à 18h, donc un apéro là où tout le monde vient pour passer un moment convivial, peut-être parler de politique. Enfin bref, voyez ça sur la page Facebook. Et l'autre événement que j'ai pas annoncé, voilà, ça c'est quand on met plein de trucs sur sa feuille, j'ai fini par le trouver, c'est une soirée concert de musique indienne, un concert privé vendredi 6 juillet à Thaon-les-Vosges à 19h30 avec Debo Jyoti et Joyita Sanyal. Donc c'est chez Claire Schmidt, 33 rue Victor Durin, réservation obligatoire bien entendu parce que c'est un concert chez un particulier. Réservation au 06 62 60 75 33 ou par mail à Marcolea, donc MARCOLEA @bbox.fr. Voilà, donc ça c'est les petites annonces. Et comme on en est aux petites annonces, il y a autre chose qu'il faut annoncer quand même, qu'il va y avoir ce week-end, samedi 7 juillet, il y a l'Assemblée Générale du Mouvement de la Paix à Épinal. C'est bien ça, Pierre-Olivier? Donc oui, c'est l'Assemblée Générale du Mouvement de la Paix, du Comité des Vosges du Mouvement de la Paix. Ça a lieu à 14h30 au centre culturel Claude Gelée à Épinal. Donc on va faire quoi? Enfin, il va se passer quoi? Va y avoir bilan de l'association, les projets à venir, peut-être la nouvelle constitution du conseil d'administration, comme ça reste une association. C'est exactement ça. Voilà. C'est joliment dit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc, le mouvement de la paix dans les Vosges, on est en plein développement. On a commencé l'année, on était 15. Et là, en adhésion, on est 43. Et en abonné au bulletin, on est 69. Donc, ça commence à faire du monde. Donc, on va essayer d'élargir le bureau et le conseil de l'association. Donc on va essayer d'impliquer un maximum de nos adhérents et de nos amis lors de cette assemblée générale. En tout cas, je suis très contente pour toi. On dirait vraiment que, comment dire, l'entrain autour de la paix commence à prendre et que les gens s'engagent plus. N'hésitez pas encore une fois à devenir adhérent à l'association du Mouvement de la Paix des Vosges. On peut voir ça auprès de toi. D'ailleurs, petite parenthèse, nous aussi en radio, on est une petite association. Si vous voulez devenir adhérent, il n'y a pas de souci, vous savez où nous trouver. Mais on revient à toi, Pierre-Olivier. Comment devenir adhérent si un auditeur en a peut-être envie? Je vais donner mon numéro de téléphone, c'est encore le plus simple. Ouais. De toute façon, il est sur internet, tout le monde le trouve. Donc 06 86 64 44 94. Voilà, donc pour en savoir plus, savoir si on peut devenir adhérent. Donc ça c'est pour l'AG du Mouvement de la Paix, donc samedi 7 juillet à Épinal. J'ai oublié à quel endroit exactement. Au centre culturel, 4 rue Claude Gelée. Donc la rue Claude Gelée, c'est à côté du marché, c'est dans le, on va dire, dans entre guillemets l'hypercentre d'Épinal. Ah, le marché là où vous avez déjà fait des petites manifestations d'information sur la situation israélo-palestinienne il y a un petit peu plus d'un mois, si je me trompe pas. Ouais, le 19 mai, on a manifesté devant le marché, il y avait entre 20 et 30 personnes. Oui, je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens parce que... j'avais fait une annonce pour ça. Autre événement sur lequel on reviendra à nouveau, mais c'est bien de commencer à l'annoncer tôt, c'est le 14 octobre, pour ceux qui sont toujours contre le nucléaire, où il y aura des manifestations sur différents lieux d'armement militaire. Tu peux nous en dire quoi de plus? Déjà, c'est organisé par qui? En fait, donc on a commencé une campagne... pour, on a commencé une campagne, ça fait 70 ans que le mouvement de la paix fait campagne pour la dénucléarisation, pour l'abolition de l'arme nucléaire. Et donc là, on mène une campagne pour que la France signe et ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. Et on a décidé que cette année, la marche qu'on fait, oui je le rappelle aussi, la marche qu'on fait pour la paix, qui a lieu le 22 septembre partout en France, et donc aussi dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle. Donc on a décidé que cette journée serait une journée où on essaierait de parler un maximum du traité d'interdiction des armes nucléaires. Mais une journée pour nous c'est pas suffisant, donc on va faire une deuxième journée le 14 octobre. Voilà, ok. Donc là c'est une journée d'action nationale, et donc on appelle tous nos partenaires du collectif En Marche pour la Paix, qui compte 150 organisations à peu près, à participer avec nous à cette journée. Donc on va manifester sur des lieux emblématiques du nucléaire militaire. Donc dans la région Grand Est, on n'en connaît pas. Disons, il y a bien sûr les bases aériennes, où il y a notamment à Saint-Dizier, où il y a des bombes nucléaires qui se baladent dans les camions, comme nous l'a expliqué le général Francis Lenne quand il est venu. Oui. Donc sur les routes, vous pouvez croiser des camions avec des bombes nucléaires dedans, c'est ça que ça veut dire. Et donc le 14 octobre, on se dessine une action à Valduc. Valduc, c'est un village qui se trouve en Côte d'Or. Là-bas, il y a le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, c'est là où sont simulés les essais nucléaires par rapport aux nouvelles armes nucléaires qui sont en fabrication. L'objectif c'est de faire des armes tactiques qui soient utilisées sur les champs de bataille. Donc les Français sont lancés dans cette modernisation entre guillemets des armes nucléaires, les Américains aussi et les Russes aussi. Et donc on va aller à Valduc, c'est vraiment un petit village au nord de la Côte d'Or. Voilà, c'est un peu perdu dans la forêt, mais c'est là qu'on va aller, très probablement. C'est là que vous allez aller pour manifester, encore une fois, pour la ratification de la France du TIAN, oui, comme tu as dit, ouais. Le traité d'abolition des armes nucléaires, enfin, je raccourcis. Ouais, mais pour les auditeurs qui ont envie de continuer à se tenir au courant, enfin, de toute façon, je pense que tu reviendras encore une fois pour redire ce qu'il en est de la paix. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus en direct, vous pouvez aller sur Internet, sur le site www.mvtpax.org. Voilà, là où c'est le site du mouvement de la paix pour se tenir au courant. Ou sinon sur l'ARAC, en espérant qu'on les recevra une autre fois, il n'y a pas de souci. C'est www.arac-national avec un E, comme c'est une association.fr. Et je crois qu'il y a toujours possibilité de s'abonner à votre petit bulletin mensuel du Mouvement de la Paix des Vosges. Oui, bien sûr. Et encore une fois, repasser par ton numéro, j'ai oublié, je crois que c'est 06-68. Je sais que je l'ai rajouté dans mes contacts. Non, mais c'est bon. Un numéro, il y a plein de 674. 06-86-64-44-94. Voilà, comme ça c'est rappelé pour ceux qui s'intéressent de plus près au mouvement de la paix et veulent peut-être en savoir plus, ça n'engage à rien de se renseigner. D'ailleurs, dis-moi juste question comme ça, c'est possible d'avoir juste un numéro plutôt que d'avoir un abonnement pour l'année pour ceux qui sont curieux. Pour le bulletin ? Yes. Oui, c'est possible, tout est possible. Hein. Oui. On s'arrange, on s'adapte. Tout est possible, on s'adapte et c'est tout doucement sur cette note-là qu'on va s'arrêter. Mais avant qu'on se dise au revoir, Pierre-Olivier, comme d'habitude, c'est l'heure de la programmation de la soirée. Et la prochaine émission, c'est quoi ? C'est à 20h la rediffusion de l'Action Slam que nous organisons. Puis à 21h, c'est Vivre et créer la montagne avec Vincent, la rediffusion de vendredi. Minuit 1h, c'est la rediffusion de la Bulle de l'IA qui, ce midi, a fait un condensé d'événements qui auront lieu lieu ce week-end. Et on se retrouve hein, demain matin, 7h, 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée jusque-là, suivie de la chronique de Michel. Et pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera en podcast sur notre page Facebook Radio Guémozo ou sur le site radioguémozo.eu, rubrique l'heure des loups, en podcast, hein, comme d'habitude, hein, aisément écoutable, téléchargeable, sur ordi, smartphone, vous connaissez la chanson, même peu importe le système d'exploitation. Et on se retrouvera pour parler de musique, hein, plus particulièrement des Nancyphonies avec Hugues Leclerc qui est à la fois pianiste et aussi organisateur ou directeur des Nancyphonies. Enfin bref, on en saura plus demain. L'émission de ce soir sera consacrée à la musique, comme je le disais. Chaque soir, un thème différent et le thème de ce soir, c'était, je le rappelle une dernière fois, la paix avec Pierre-Olivier Poyard. Merci beaucoup pour ta présence. J'étais très contente de continuer à faire le point sur la paix dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci. Bon, bah écoutez, aussi aux auditeurs, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. En attendant, on se retrouve demain, même heure, sur Radio Guémozo. Bonne soirée à tous.